Le Quatuor d'Alexandrie de Laurence Durel. Traduit par Roger Giroux. Adapté par Eglal Herrera. XVIIe épisode. Mount Olive a revu Leila. Elle l'a supplié de sauver Nessim dont la vie était menacée depuis le dévoilement du complot. Elle a tant changé qu'il ne l'a pas reconnue. Il a mis lâchement fin à l'entretien en refusant l'aide qu'elle lui demandait. Au Caire, on l'a informé que les investigations de Memlik ont absous Nessim et mis en cause l'autre Rosnani, Narouz. Quant à Darley, il a décidé de se rendre à la grande chasse annuelle de Nessim sur le lac Maréotis. Et cela, malgré les craintes pour sa vie que lui inspirait alors la terrible jalousie de Nessim. L'hiver était enfin venu, limpide et frais. Le long de la corniche, les hautes vagues se fracassaient sur les épis de pierre. Les eaux perdaient leur scintillement d'or et tournaient au gris, la couleur de l'hiver. Les invités se réunirent chez Nessim à l'heure du crépuscule. Prodigieux rassemblement de coupées et de canadiennes. Commença alors l'interminable déballage et remballage des paniers d'osier et des étuis de carabine, le tout accompagné de cocktails et de sandwichs. Les costumes bourgeonnaient. Comparaison des fusils et des cartouches, propos décousus, anecdotes, conseils. Merci pour votre aimable invitation, Monsieur Rosnani. Notre ambassadeur s'excuse, les affaires le retiennent au cœur. Soyez le bienvenu, Lord Harold. Bonjour, Dacapo. Bonjour. Un petit apéritif avant de partir? Avec plaisir. Merci. Vous êtes au courant des dernières frasques de la générale Cervoni? Eh bien, imaginez-vous que Lord... Selim, est-ce que tout est en ordre? Presque, Monsieur Hassanani. Justine et moi, nous débattions dans la toile d'araignée de nos inquiétudes comme des êtres déjà séparés. Elle portait, je m'en souviens, le costume traditionnel de veloutine. Veste longue et ample à poche en biais, chapeau de velours rabattu quasiment jusqu'aux sourcils, bottes de cuir. Le tirage au sort, on va former les équipes. Nous ne nous regardions plus en face. Et si nous nous adressions la parole, c'était d'un ton tout à fait impersonnel. J'avais un atroce mal de tête. Bon. Capodistria, vous êtes avec moi. Justine avec Lord Errol et le général Cervoni. Général Rally, vous serez avec Maître Pali. Il fut clair alors que Justine et moi ne serions pas ensemble. Brusquement, en voyant l'expression vide des yeux de Nessim, pour la première fois, je pris vraiment peur. Quand tout fut prêt, les voitures s'ébranlèrent dans un grondement de moteur. À ce signal, une volée de domestiques surgirent de la grande maison avec des coupes de champagne pour nous offrir le coup de l'étrier. Cette diversion permit à Justine de s'approcher de notre voiture. Et sous prétexte de me tendre un paquet de cartouches, elle me serra le bras. Darley, laisse-moi te regarder encore une fois. Elle me fixa pendant une demi-seconde de ses yeux noirs et brillants avec une expression que je pouvais presque prendre pour du soulagement. Nessim se mit au volant et nous partîmes résolument, quittant la ville et les dernières colorations du jour, pour pénétrer dans un paysage ondulé et sablonneux en direction du désert. Quand nous atteignîmes le bord du lac, il faisait déjà presque nuit. Darley Dacapo, notre hutte est là. Ah. Venez prendre des forces pendant qu'on vous la prépare. Le dîner est prêt. Oh, ce fumet reconnaissable entre tous. Le célèbre ragoût d'agneau aux fèves vertes de votre cuisinier et son gratin de courgettes. Et comme d'habitude, un vin... Un Margaux, comme vous aimez, mon cher. Venez. Le ragoût était délicieux et le Margaux mit tout le monde d'excellente humeur. Vers 9 heures, tous étaient prêts à aller se coucher. Nessim sortit donner les dernières instructions, puis il entra dans la hutte et régla le vieux réveil rouillé pour 3 heures. Capodistria et moi restâmes assis devant la hutte. Il buvait son vin à petites gorgées et tirait sur son cigare. Nous échangeâmes quelques menus propos, puis, sans transition, il dit « Vous savez pourquoi on m'appelle Da Capo ?»« C'est de notoriété publique, mon cher, à cause de vos prouesses sexuelles. » »« Dont on dit aussi qu'elles n'ont d'égal que ma fortune, ou ma laideur. » Les gens ne voient en moi qu'un méprisable coureur de jupons et ignorent la soif de beauté qui m'anime. Je vois tout à fait ce que vous voulez dire. Être frappé par un visage que l'on voudrait dévorer trait par trait. Voilà le moteur de ma vie. Même faire l'amour au corps qui porte ce visage ne me procure aucun soulagement, aucun repos. Que peut-on faire pour des gens comme moi ? Pas grand chose, hélas. Je restais longtemps éveillé sur l'étroite couchette de bois en repensant à ce que Capodistria venait de dire. À la lisière du sommeil, ma peur fit place à la résignation. J'évoquais encore un instant le visage de Justine avant de laisser son souvenir glisser dans le monde des limbes, peuplé de voix lointaines et engourdies, et du lent bruissement des eaux du Grand Lac. Il faisait nuit noire quand je m'éveillais, sous la douce pression de la main de Nessim sur mon épaule. Bonjour, Darley. On vous prépare un café chaud et des sandwichs. J'arrive. Pour votre toilette, 1000 excuses, mais il n'y a que l'eau glacée du lac. Ah. Noir absolu sur terre et dans le ciel. On parlait à voix basse, comme si l'on subissait le poids des ténèbres. De brusques coups de vent faisaient trembler la cabane bâtie sur de fragiles pilotis. On nous attribua à chacun un bachot et un porteur. Prenez Farage, c'est le plus compétent de tous. J'ai toujours pu compter sur lui. Merci, Nessim. Au revoir. Fadal. Je m'assis dans ma petite embarcation. Farage prit la perche et nous poussa au cœur d'un diamant noir. Les prémices de l'aube étaient déjà suspendues dans les airs tandis que nous traversions les ténèbres de ce monde perdu. Le paysage s'espaçait maintenant à l'approche des eaux libres. J'étais inquiet. Farage, là, 1, 2, 3 canards. Préparons-nous. Pas encore. Pas avant 4h30. Le monde appartient à ceux qui savent patienter. Farage. Je chargerai moi-même ma carabine. Il acquiesça en silence. J'eus un peu honte de moi, mais j'avais les nerfs à fleur de peau et je me sentais plus tranquille en prenant cette précaution. La lumière augmentait peu à peu, passant du rouge au vert. Les minutes s'égrenaient. Le cœur battait. 4 triangles de canards traversèrent mon horizon sous un angle propice. C'est le moment. Nous avons encore 5 minutes. C'est le moment. Voilà. 1, 2. Une paire. C'est bien. Ils arrivaient de toutes les directions à la fois, sous tous les angles imaginables. Les uns lentement, d'autres filant comme des flèches. Les fusils aboyaient et crépitaient inlassablement, et les oiseaux parcouraient le lac en tous sens. « Le soleil était déjà haut et les vapeurs glacées de la nuit étaient tout à fait dissipées quand j'utilisais mes dernières cartouches. Il était 8h15. Farage pataugeait dans les eaux à la recherche des derniers cadavres. J'allumai une cigarette et pour la première fois, je me sentis débarrassé de l'ombre des mauvais présages et des pressentiments, libre de respirer, de reprendre mes esprits. Nous nous mîmes en route à travers un dédale de chenaux et de corridors de roseaux. Devant la hutte, j'aperçus la silhouette de Nessim. Il était assis, l'air absent, les mains croisées autour des genoux. Nessim ! Combien en avez-vous tué ? Moi, j'en ai eu 8 paires. Plus une qu'on n'a pas retrouvée. Jamais fait un aussi bon carton. Vous êtes au courant ? Il y a eu un accident. Capodistria. Capodistria. Il est mort. Vous entendez le moteur de l'hydroplane derrière les roseaux ? Oui. On le ramène à Alexandrie. Sur la plateforme, les autres étaient déjà là, gênés, comme intimidés. Regardez-les, Darley. On dirait une bande d'écoliers dont une farce monumentale se serait terminée par la mort d'un de leurs camarades. On est sûr que c'est un accident ? En principe. Bonjour, Vérol. On vous a dit pour l'accident ? Bonjour, Osnani. C'est même moi qui ai trouvé le corps. C'était impressionnant, je dois dire, ce visage enlisé dans la vase. Ce qu'il y a d'étrange tout de même, c'est l'état de sa peau. Pourquoi ? Il n'a pas pu rester longtemps dans l'eau et pourtant la peau est parcheminée comme celle des mains d'une lavandière. L'hydroplane s'éloigna lentement, traînant après lui son cône ronronnant dans l'air de plus en plus chaud. La mort de Capodistria était là, suspendue dans l'air immobile comme une mauvaise odeur, une méchante plaisanterie. Quand ils avaient hissé son corps dans l'hydroplane, son dentier avait glissé de sa bouche et s'était brisé sur le pont. Tous avaient eu peur. Mais là encore, la vérité me réservait une surprise. Capodistria n'était pas mort, il avait seulement disparu. Je l'appris des mois après les faits, ici, sur mon promontoire grec, lorsque Balthazar m'avait rendu visite et m'avait offert les pièces manquantes du puzzle que je reconstitue avec tant de peine. Dans les dépositions de la police sur la mort de Da Capo, tous les témoins ont parlé des fausses dents qui étaient tombées de la bouche du cadavre. Vous vous en souvenez vous-même peut-être ? Absolument. Maintenant écoutez ceci. 3 mois plus tard, je dînais avec Pierre Balps, son dentiste. Il m'assura que Da Capo avait une dentition presque parfaite et certainement pas de râtelier. Mais alors, qui est-elle mort ? Aucune idée, et cela n'a aucune importance. Da Capo avait de bonnes et de nombreuses raisons de disparaître. D'abord son implication dans le complot. Il en était une pièce maîtresse. Sa disparition se serait donc faite avec la complicité de Nessim. Bien entendu. Quoi d'autre ? Et puis, il laissait derrière lui plus de 2 millions de dettes. Vous voyez ce que je veux dire ? Les femmes ? Eh oui. Et les livres. C'était, comme vous le savez peut-être, un bibliophile de génie. Quelques mois après ma conversation avec Pierre Balps, j'ai reçu une lettre de Smyrne. Da Capo me demandait de lui transférer son immense bibliothèque. Vous l'avez fait ? Oui. Livre par livre, jusqu'au dernier. Oh, quelle histoire encore que celle-là. Narus m'a dit un jour qu'il aimait le désert parce que le vent y efface la trace des pas comme il éteint une bougie. Oui. Les faits sont instables par nature. Vous pensez à Justine, Darley ? Oui. Au fond, depuis le jour de la chasse, vous ne l'avez plus revue. Jamais je n'oublierai mon retour à Alexandrie ce jour-là. Le portier de l'immeuble m'attendait. Il a tendu vers moi deux mains suppliantes comme s'il me disait « Ne blâmez pas le porteur de mauvaises nouvelles. » Et il a murmuré d'une voix faible et conciliante « Monsieur, la dame est partie, il y a une lettre pour vous. » Et qu'est-ce qu'il vous disait ? C'était une banale lettre d'adieu, un peu vague. Elle me disait qu'elle avait été obligée de partir, mais que tout allait bien, que je n'avais aucun souci à me faire pour elle. Une lettre désespérément neutre. C'est qu'elle ne pouvait rien vous dire de précis, à moins de mettre la vie de Nessim en danger. Il avait voulu éloigner ses proches. Leïla, Justine, Narous avait formellement refusé. Quel choc cela a dû être pour vous. Alexandrie s'est écroulée autour de moi. J'ai marché lentement, sans but. Comme doivent le faire, je suppose, les survivants d'un tremblement de terre qui ne reconnaissent plus leur ville et n'arrivent pas à comprendre que les choses aient pu changer à ce point. J'ai erré sous la pluie pendant des heures. J'avoue que je n'osais pas rentrer dans mon petit appartement vide. De peur d'être tenté de suivre le chemin qu'avait pris Perse Warden avec autant de facilité, je suis passé et repassé au moins 7 fois par la rue Fouad, sans manteau ni chapeau sous ce déluge. Il y avait de la lumière à la fenêtre du grenier de Cléa. La grande consolatrice. Je me souviens. Elle était déjà en pyjama, ses longs cheveux blonds peignés pour la nuit. Derrière la fenêtre, le tonnerre roulait et se tordait dans le ciel noir. J'ai senti qu'avec elle, dans le calme de cette chambre, en parlant de Justine, je pouvais exorciser une partie de mes terreurs. Cléa la connaissait mieux que personne. Maintenant que vous savez combien elle l'a aimée... Cléa m'a proposé de rester avec elle. Vous avez passé la nuit ensemble ? Pas comme vous l'entendez. Avec une gentillesse qui m'a serré le cœur, comme si elle s'excusait. Elle m'a demandé de ne pas la toucher. Nous avons parlé de Justine, de Mélissa, puis nous nous sommes endormis. Le lendemain, quand nous nous sommes réveillés dans les bras l'un de l'autre, l'orage avait cessé. La ville avait été nettoyée à fond. Et j'ai marché longtemps vers mon appartement. J'avais toujours la lettre de Justine dans ma poche. Mais je n'osais pas la relire de peur de détruire la paix que Cléa m'avait donnée. C'est à ce moment-là que vous avez décidé de quitter Alexandrie. Oui. J'avais reçu, quelques jours plus tôt, une proposition de contrat de 2 ans dans une école catholique en Haute-Égypte. Mélissa était toujours au sanatorium à Jérusalem. Justine partie, j'acceptais. En quelques jours, vous aviez tous déserté Alexandrie. Quelques semaines après vous... Nessim est parti rejoindre sa mère au Kenya. Auparavant, il y avait eu ce jour terrible à Karmabougirk. Terrible, en effet. Et triste à mourir. Le Quatuor d'Alexandrie, de Laurence Durel. Traduit par Roger Giroux, adapté par Eglal Herrera. 17e épisode, avec Christophe Giordano, Darley, Didier Sandre, Nessim, Gérard de Sarthe, Balthazar, Valérie Lang, Justine, Bernard Gabet, Lord Hérol, François Siener, Capodistria, et les voix de Sandrine Cohen, Kader Kada, Albert Pariente, Sabrina Baldassara. Bruitage, Bertrand Amiel. Équipe de réalisation, Serge Ristich, Dimitri Scapolan, Annabelle Brouard, Christine Bernard-Sugy.